combien de temps. J'ai jamais vu un tel vent me siffler dans les oreilles. Rien ne vient freiner mon accélération. Je n'arrive même plus à compter les fenêtres. Je croiserai des regards qui s'ennuient peut-être. Alors j'ai pour élire la fascination. J'ai encore 5 secondes pour penser ma vie, revoir les moments durs, ce que je regrette. Des visages familiers me viennent à la tête. Ils me disent: où vas-tu? Est-ce fini? Plus rien ne se précipite, tout reste à sa place, sauf moi. Bolide imparfait, vitesse non pure et énergie percée. La vie s'évade de mon corps. L'entraîner dans ma chute folle. Je lui dis: reste, ne crains rien, je m'isole. Je sais ce que je fais alors, et confiance encore. Mais elle ne me croit pas. Elle se moque de ma défiance naïve. Va-t-il te pousser des ailes? Vas-tu t'évaporer? Réflexion.